Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Nous bénissons notre Dieu. Tunamshukuru Bwana Mungu wetu. Pour ce temps qu'il nous a encore donné. Juu ya wakati anatupatia. De nous assembler dans ce tabernacle. Ya kukusanika mui maskani. Dans le but d'entendre sa parole. Mukifukuzio ya kusikia neno lake. Sans tarder, levons-nous pour la prière. Bila ugawia, tusimame juu ya maombi. Et pour la lecture de sa parole. Na juu ya usomi wa neno la Mungu. Dans Daniel au chapitre 2. Mu Danieli sura yake ya pili. Son verset 31. Mustari ya makumi tatu na moja. Jusqu'au verset 32. Kufika na makumi tatu na mbili. Nous prendrons aussi Daniel chapitre 7. Tutachugua pia Danieli sura 7. Dans son verset 6. Mustari ya sita. Dieu tout-puissant. Mungu mwenyezi. Toi le gérant de nos âmes. Wenjo kiongozi ya manafsi yetu. Les ciels et la terre sont l'œuvre de ta main. Bingu na dunia ni kazi ya mikono yako. Nous venons humblement dans ta présence. Tunakuja na unyenyekevu wote muwepo wako. Pour que toi seul tu nous parles. Jue peke yako pate kusema nasi. Nous avons besoin de ta vie en nous. Tunahitaji buzima yako ndani yetu. Pour bien nous préparer. Ili tupate kujitayarisha mzuri. Dans le but de te rencontrer dans les airs. Mukifukuzio ya kukutanishana na wewe muhewa. Bénis cette congrégation. Kubariki makutano. Bénis chaque frère, chaque sœur en particulier. Kubariki kila ndugu na kila dada kwa upekee. Élève-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Utunyanyue pali pa mbingu ndani ya Yesu Kristo. Assiste-moi Seigneur. Unisaidie Bwana. Je ne suis qu'un humain. Mimi ni kutu mutu binafsi. Si je parlais Seigneur. Nikisema Bwana. Ma parole apportera la mort. Neno langu italeta lufu. Mets-moi de côté. Uniweke pembeni. Et parle à ton peuple. Na useme na taifa yako. Seigneur, s'il y a des frères et sœurs. Bwana kama kuku banduku na badada. Qui ont des difficultés de santé. Balewe kuna magumu ya afya. C'est toi qui nous as promis la guérison. We peke ndio ulitulaka utunzo. Seigneur. Bwana. S'il y a des frères et sœurs. Kama kuku banduku na badada. Qui cherchent le baptême du Saint-Esprit. Balewe wanahitaji ubatizo wa Roho Mtakatifu. Il est écrit dans le livre saint. Imeandikwa ndani ya kitabu takatifu. Que c'est toi seul qui baptise. Du Saint-Esprit et de feu. Ya kwamba ni wewe peke yako ndio kubatiza Roho Mtakatifu na moto. Fais-le pour la gloire de ton nom. Uifanye juu utukufu wa jina lako. Bénis la parole. Ubariki neno. Accompagne-nous jusqu'à la fin. Utusindikize hadi mwisho. Au nom de Jésus-Christ. Mu jina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Daniel chapitre 2. Danieli sura yake ya pili. Versets 31 à 32. Mustari ya makumi tatu na moja na makumi tatu na mbili. Oh roi, tu regardais. Oh mfalme, ulikuwa natazama. Et tu voyais une grande statue. Na uliona sanamu mkubwa. Cette statue était immense. Ile sanamu ilikuwa ya mnene. Et d'une splendeur extraordinaire. Na ilikuwa na kuangala kwa mastajabu. Elle était debout devant toi. Ilikuwa yenye kusimama mbele yako. Et son aspect était terrible. Na kuonekana kwake kulikuwa kwa hatari. La tête de cette statue était d'or pur. Kichwa ya ile sanamu ilikuwa ya zabu safi. Sa poitrine et ses bras étaient en argent. Kilari yake na mikono yake ilikuwa ya fedha. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Na tumbo yake na miguu yake ilikuwa ya shaba. Dans Daniel au chapitre 7. Mu Danieli sura 7. Dans son verset 6, nous lisons. Mstari ya sita tukunasoma hivi. Après cela, j'ai regardé. Kisha ile nikangalia. Et voici un léopard. Et voici un autre était semblable à un léopard. Tazama mwingine alifana na chui. Et avait dans les dos quatre ailes na, comme un oiseau. Na mumukongo yake alikuwa na mabawa ine sawa ndege. Et cet animal avait quatre têtes. Na huyu nyama alikuwa na bichwa ine. Et la domination lui fut donnée. Na utawalo ilimpewa. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Vendredi, nous avons parlé du royaume des Mèdes et des Perses. Mukazitano tulisemea yulu ya ufalme ya ba Medi na ba Persa. Qui a commencé de 538. Il ilianza mu mwaka wa 538. À 330 avant Jésus-Christ. Kufika na 330 mbele ya Bwana Yesu Kristo. Ce royaume était représenté par un ours. Iyo falme ilionekanishwa na dugu. Qui se tenait d'un côté. Ule alisimama ngambo moja. Et qui avait quatre côtes entre ses dents. Na ule alikuwa na mbavu ine katikati ya meno yake. On lui disait. Walikuwa na mwambia. Mange beaucoup de chair. Ukule nyama mingi. Nous avons montré que ce royaume des Mèdes et des Perses en se tenant d'un côté comme ours, cela montrait la prédominance des Perses sur les Mèdes. Nous avons parlé de ces trois côtes qui était entre ses dents. Nous avons montré que cela signifiait la victoire qu'il avait eue sur la Lydie, la Babylonie, na Babylonie, ainsi que sur l'Égypte. Na yulu ya Misri. Mais nous avons aussi vu comment ce royaume est tombé. Turiona tena namna gani ufalme ilianguka. Mais aujourd'hui nous voulons parler du troisième royaume. Leo tunapenda kusema yulu ya ufalme wa tatu. Ce royaume qui est représenté par un léopard. Ni ufalme yenye kuonekanishwa na chui. Dans la vision de Daniel. Oui, ono ya Danieli. Mais qui est représenté par le ventre et les cuisses de rein. Alakini yenye konekanisha na tumbo na miguu ya shaba. Dans la statue de Nebuchadnezzar. Uile sanamu ya Nebuchadnezzar. Et ce royaume n'est pas autre chose que l'empire universel, la Grèce. Na hii ufalme haina kitu kingine ni utawalo ya ulimwengu mzima ya Greki, ya Wagriki. C'est la Grèce. Ni Wagriki. Qui avait remporté sur les Mèdes et les Perses. Et la domination lui fut aussi donnée. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons parler de celui qui a fait la grandeur de cet empire. Utasema yule ya ule alileta utukufu wala bunene wa hii ufalme. Alexandre le Grand. Huyo wanaita Alexandre le Grand. Dans l'an 336 avant Jésus-Christ. Mwaka wa 366 mbele ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu. En l'an 336 avant Jésus-Christ. Mwaka 336 mbele ya kuzaliwa Bwana Yesu. Après la mort de son père Philippe II, kisha kufa kwa baba yake Filipo II, qui était le roi qui régnait sur la Médine, ula alikuwa mfalme alitawala yule ya Medina. Dans cette année, ce roi fut tué. Mwile mwaka ile huyu mfalme aliuawa. Il fut assassiné. Balimuua. Et lorsque Philippe II fut assassiné, wakati ile Philippe II aliuawa, Alexandre, son fils qui n'était qu'un jeune homme, huyu Alexandre mtoto yake yule alikuwa tu kijana, est devenu roi de la Macédoine. Naye akakuwa mfalme kule ku Macedonia. Et à cette époque-là, na mwile wakati, il n'avait que 18 ans. Alikuwa tu na umri wa miaka 18. À 18 ans, na umri wa miaka 18, après l'assassinat de son père Philippe II, kisha kuuawa kwa baba yake Philippe II, Alexandre le Grand, oui, Alexandre le Grand, est devenu roi en Macédoine. Akakuya sasa mfalme kule ku Macedonia. Alexandre le Grand était un garçon très courageux. Oui, Alexandre le Grand alikuwa kijana mwa udari. Téméritaire. Alikuwa warika makama. Et il avait une nature belliqueuse. Alikuwa na hali ya mtu wa kupenda vita. Ah, mtu wa kupenda vita. Il était courageux. Alikuwa wa udari. Il était téméritaire. Warika makama. Et il aimait beaucoup la guerre. Na alipenda sana vita. Mais il bénéficia d'une bonne éducation alifaidiwa na madabisho mzuri auprès de son tuteur Aristote. Pembeni ya mwalimu wake Aristote. Lorsque son père mourut, wakati ile baba yake alikufa, lui étant jeune, yeye mwenye kwa kijana, il était sous tutelle d'Aristote. Alikuwa chini ya uongozi ya Aristote. Aristote était un homme discipliné. Aristote alikuwa mtu wa utaratibu. Et il a donné une bonne éducation à ce jeune homme. Na alileta madabisho mazuri kwa huyu kijana. Doué d'une personnalité, d'une forte personnalité. Alikuwa na bumuntu wa heshima. Alexandre le Grand. Alexandre oui, le Grand s'est entraîné au combat. Alidizoea sana kuma vita. Au sein de l'armée de son père. Mujesi ya baba yake. Un homme courageux. Mutu wa odari. Téméritaire. Warika makama. Belliqueux. Mutu wa kupenda vita. D'une forte personnalité. Il s'est entraîné dans l'armée de son père. Et après la mort de son père, il était décidé de continuer les combats de son père. Alichukua mpango ya yeye kuendelesha vita ya baba yake. Parce que du vivant de Philippe II, kwani wakati Philippe II alikuwa mzima, ce roi avait l'ambition de vaincre, de conquérir ou d'envahir l'empire des Perses. Huyu mfalme alikuwa na nia ya kushinda na kutawala, kuwina na kuchukua miji ya ba Perse. Qui à cette époque-là était fort et régnait à maître absolu. Mwile wakati yeye alikuwa na nguvu na alikuwa na tawala sawa bwana wa juu. Non, les Perses. Ah, wa Perses mwile wakati walikuwa na nguvu na walikuwa na tawala peke yabo. Mais quand Alexandre le Grand vint, Sasa wakati huyu Alexandre le Grand alikuja, il connaissait les ambitions de son père. Alijua mania ya baba yake, mifukuzi ya baba yake. C'est ainsi qu'il a résolu dans son cœur et dans sa vie de continuer ce combat, c'est-à-dire d'envahir l'empire des Perses. Il avait cette détermination. Mais il fut retardé par une révolte qui s'était levée dans son propre pays. Na utombozi ile ilamuka mwinchi yake mwenyewe. Dans la vie d'un homme, mumaisha ya mtu, et je dis bien tout homme sérieux, nasema mzuri mtu wote wa heshima, il doit avoir une détermination à atteindre. Anapashi kuwa na kifukuzio kila anapashi kupata. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés dans la chrétienté. Leo hii tunakona magumu muki Kristo. Parce que la plupart de nos croyants, wani ba mingi katikati ya baminifu, n'ont jamais eu d'objectif à atteindre dans leur vie. Abaya kuwaka na kifukuzio kia kupata mu maisha yabo. Quand un homme croit, wakati mtu anaamini, une femme croit, mwanamke anaamini, et qu'il est déterminé à voir Dieu dans son cœur, na iko na mpango wa kumpata Mungu moyo, il n'y a rien qui peut lui faire obstacle. Hakuna kitu kia kumuzuiza. Il fera tout ce qui a son pouvoir, atafanya yote iwezekanapo, pour atteindre son objectif, ili apate kifukuzio yake, avoir Dieu dans son cœur, ampate Mungu moyo. Même les échecs qu'il peut rencontrer dans sa vie ne peuvent jamais le décourager. Et là, c'est ça l'erreur de la plupart de nos frères. Et c'est pourquoi nous avons une chrétienté qui boite aujourd'hui. Alexandre le Grand avait cette détermination. Il voulait à tout prix accomplir et achever ce que son père avait laissé, avait abandonné. Et c'est pendant cette période que l'empire des Perses commençait aussi à s'effondrer. Ça s'affaiblissait sous le règne de Darius III. Ce royaume avait connu son apogée. Maintenant, le temps de son déclin était là. Et comme ce royaume allait en s'affaiblissant, sous le règne de Darius III, Alexandre était déterminé dans son cœur de vaincre à tout prix les Perses. Avec cette tactique organisée, na ile manamna yake ya kutenda alitayarisha, au sein de son armée, ndani ya jeshi lake, il voulait à tout prix attaquer les Perses, qui étaient une grande armée. Alipenda ta vile apate kukombanisha wa Perses, wale walikuwa ni jeshi munene. Quand on prend le nombre de militaires avec lesquels Alexandre voulait attaquer les Perses, tukichukua wingi ya waaskari wale Alexandre le Grand alipenda kukombanisha nao wa Persa. Les Perses étaient plus nombreux. Wa Persa walikuwa wa mingi kumshinda. Les militaires perses. Waaskari wa Persa étaient plus nombreux. Walikuwa wa mingi kushinda. Que les militaires. Waaskari. Qu'accompagnaient Alexandre. Wale walimsindikiza Alexandre. Bien-aimés frères et sœurs. Wapendo wa ndugu na wadada. Le nombre. Wingi. Dans les combats, ndani ya vita, ne compte pas. Aina na sababu. la qualité de militaire dans les combats joue une grande importance. Nous l'avons vu ici chez nous avec le petit Rwanda. Le Rwanda, dans sa superficie, yake, n'est pas comme notre Katanga. Non, c'est un petit territoire. Nika inchika, jimbo kadoko. Quand vous entrez du côté de la Tanzanie vers 7h, vers déjà 14h30, vous sortez du côté de Goma. Unamaliza inchi muzima ya Rwanda. C'est un petit territoire. Nika jimbo tu kadogo. Mais alakini, qui avait une armée disciplinée. Ilikuwa na waskari wa jeshi yenye kuwa na utaratibu. Une armée très courageuse. Jeshi ya watu wa hodari. Qui avait l'objectif, qui avait un objectif qu'elle voulait atteindre. C'est pourquoi vous remarquerez que dans la guerre d'Afdel, considérant notre pays, le Congo, qui est un pays continent, mais ces petits poignets de militaires rwandais sont entrés de Goma, ils sont arrivés à Kinshasa et ils n'ont jamais connu de résistance en dehors de quelques batailles qu'ils avaient livrés, et une ville à une tombait comme un fruit mûr. Et pourtant le Congo avait une grande armée. Le Congo avait beaucoup de gens. Mais des gens désorganisés, démoralisés. Voyez, des gens que j'appelle des indisciplinés, qui ne respectaient aucune tactique de guerre. C'est ainsi que le petit Rwanda, avec peu de gens, a vaincu le grand Congo, qui avait une grande armée, un pays vaste. C'est pourquoi, en toutes choses, comme je le disais, la qualité des soldats qui accompagnent un général dans une guerre a plus d'importance que le nombre de ses ennemis wingi ya waadui yake, si ils ne sont pas disciplinés. Kama wao hawana na utaratibu. Oui, bien aimé frère. Dio ndugu mpendwa. Une armée peut avoir beaucoup d'armes. Jeshi inaweza na masila mingi ya nguvu. Mais une petite armée, lakini ka jeshi kadogo, très intelligente, ya akili kabisa, entraînée, yenye kufundishwa, disciplinée, yenye na utaratibu, avec détermination, na mipango, qui utilise plusieurs tactiques, ile inatumia manamna mingi, et qui découvre la faiblesse de l'ennemi, na inafumbula udhaifu ya adui, a peut remporter la victoire. Hawezi kupata ushindi. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Regardez cet homme. Tazameni huyu mtu. Un homme téméraire. Mtu wa rika makama. D'une forte personnalité. Na mtu wa heshima mingi ya bumutu. Un homme courageux. Mtu wa hodari. Il n'était qu'un jeune enfant. Alikuwa tu ni kijana. Mais il avait de grandes ambitions. Lakini alikuwa na bifukuzio binene. Je lisais quelque part. Na alikuwa anasoma fazi fulani. Ufwa bana me dit. Mule nduku branama anasema. Une église sans ambition. Kanisa bila kuwa na kifukuzio. N'est pas une bonne église. Haina kanisa mzuri. Un prédicateur sans ambition n'est pas un bon prédicateur. Dans la vie de tout homme, dans la vie de l'église, nous devons avoir beaucoup d'ambition, et notre ambition, c'est atteindre le niveau le plus spirituel, de telle manière que la vie permanente de Dieu serait révèle au milieu de son peuple. Et il n'y a pas une haute ambition comme celle-là. Une haute ambition d'une église, c'est conduire ses membres à l'expérience réelle, véritable avec Dieu. C'est avoir des membres nés de nouveau, menant une vie sanctifiée, baptisé du Saint-Esprit et vivant dans une communion fraternelle les uns les autres. Oui, bien mes frères, c'est une très bonne ambition pour une église. Mais pour Alexandre, lui, il voulait à tout prix vaincre l'empire de Perse. Il n'avait pas une armée, une grande armée, mais il avait une armée entraînée et déterminée à vaincre. Darius avait beaucoup de soldats. Darius mais vous remarquerez qu'à la fin de toute chose, Alexandre le Grand avait atteint son objectif et l'armée de Darius III fut vaincue et Alexandre devint le conquérant, le vainqueur. Oui, bien mes frères, maintenant avec une telle ambition, il prit la résolution d'abandonner son gouvernement central. Gouvernement. Ya jimbo. À ses généraux. Akacha wa jemadari. Et Alexandre dit, Alexandre akasema, aussi longtemps que les territoires ne sont pas conquis, wakati yote ile majimbo hatuipate, je ne peux pas rester tranquille dans ma capitale. Siwezi kubakia msalama mujimbo mumuji yangu munene. C'est ainsi qu'il laissa le gouvernement central entre ses généraux. Je commande aliacha government yake na wajimadari wake. Alexandre se lança lui-même dans plusieurs conquêtes dont il sortit vainqueur. Yeye mwenyewe Alexandre akajitumbukiza mu mavita na mula alipata maushindi na kuchukua mamiji. Arrivé en Phrygie, kufika kule ku Phrygie, il vainquit la Phrygie, akawina na kutawala Phrygie, il vainquit la Granique, akachukua mji ya Granique, la Anasie Mineure, mule mwazia kidogo, il vainquit toutes les villes de la côte grecque qui étaient sous le joug de l'empire des Perses. Il marcha sur la Syrie. Il s'empara de la Phénicie. Il et le roi de Tyr voulait un peu faire de la résistance. Il est vaincu. Voyez. Et il alla jusqu'à Issos, qui était la base militaire de l'armée perse. Et là, à Issos, il vainquit Darius III en personne. Akamushinda kwa upekee binafsi huyu Darius. Parce que c'est dans ce quartier général, dans la base militaire d'Assos. Wani ilikuwa mu base militaire ya Assos. D'Issos. Ya Issos. Que Darius III avait fait sa base. Jomo ile fazi Darius III alikaria na base mnene. Mais comme Alexandre le Grand était téméraire, avec le succès qu'il avait eu dans d'autres rois, sur d'autres rois et sur d'autres villes, il attaqua Issos et vaincu le roi Darius III en personne. Et tous les pays qui n'étaient pas conquis, en voyant le succès d'Alexandre le Grand, eurent peur de lui et se livrèrent elles-mêmes Alexandre. Et Alexandre sur une bonne politique pour gagner tous ces gens. Alexandre a kafanya siasa mzuri ya kuwafanya. En leur disant, si vous vous livrez volontairement à moi, na kuambia mkijitoa peke yenu, vous ne me payerez pas d'impôts. Hamutanilipa kodi. Vous serez en quelque sorte des associés. Mtakuwa sawa vile watu baba kujiunga nami ba kutumika nami pamoja. Et c'était la ruse. Na ilikuwa ni bujanja. Il était un homme très rusé dans les combats. Alikuwa mtu mjanja sana mvita. Et après avoir gagné de grandes batailles, et le reste des batailles, il les gagna par ruse. C'est ainsi qu'il alla jusqu'en Égypte, où il fonda la ville d'Alexandrie, dans le delta, presque là, entre les branches de, du fleuve Nil. Ah, ya muto ya Nil. Donc dans le delta du fleuve Nil. Ya muto ya Nil. Et la ville d'Alexandrie qui existe. Ile muji ya Alexandrie ile kwa kona leo. Fut fondée par Alexandre le Grand dans ses conquêtes. Et il devint puissant. Et tout le monde le craignait. Parce qu'il était fort. Il ne craignait personne. Il attaquait tout le monde. Quand il voyait une faiblesse quelque part, dans un royaume, il allait là pour conquérir. Et dans l'orgueil de ses succès, dans l'orgueil de ses succès, Alexandre le Grand, se considérait lui-même comme un Dieu vivant, un petit Dieu. Il se considérait comme un Dieu vivant. Ainsi que beaucoup de ces gens le considéraient comme un Dieu. Voilà où amène l'orgueil des gens. Quand un homme devient fort et puissant, et qu'il n'y a rien qui lui résiste, il se prend pour un Dieu. Et quand quelqu'un déjà commence dans cet orgueil, c'est ça même sa chute qui vient. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Il était fort, rusé, puissant, wawezo, un homme entraîné dans les combats avec une armée Jesse, de guerriers, de véritables vaillants soldats. Washuja, waskari. Il a fait beaucoup de conquêtes. Il a eu beaucoup de victoires. Et Darius III, voyant sa défaite devant Alexandre le Grand, était obligé de fuir. Parce qu'il se sentait humilié. Il ne pouvait plus résister à cette armée qui dévorait de partout. Et c'est ainsi qu'il prit fuite. Et après sa fuite, les proches de Darius les tuèrent. C'est vrai. C'est comme ça que Darius est décédé. Alikufa. Et Alexandre le Grand, est resté continuer ses conquêtes. Akabakia kuchugua miji na miji. Mais Arakini, en 323. Mu 323 avant Jésus-Christ. Bele ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu Kristo. Alexandre le Grand, oui, Alexandre le Trois, le Grand, mourut subitement. Na yakakufa kwa ghafla. Victime de son alcoolisme. Akakufa kwa ajili ya pombe lake alikuwa anakunywa. Il buvait beaucoup. Alikuwa anakunywa sana pombe ya kulevika. C'est C'était un méchant lui aussi. Mais quand il a commencé à se traiter comme Dieu, là, il est allé très loin. Il n'avait pas aussi considéré la chute d'autres royaumes. Dieu l'avait suscité. C'était pour punir les Mèdes et les Perses. Mais maintenant lui-même oublie. Il commence à se traiter comme un Dieu. Parce qu'il était victorieux partout où il allait. C'est ainsi. Quand quelqu'un commence à manifester de l'orgueil, n'en doutez pas, sa fin est là. Et il ne fera pas long feu. Vous voyez, en 323, Alexandre le Grand mourut d'une manière subite et il était victime de son alcoolisme. C'est après sa mort que ces quatre généraux se partageaient l'empire. Ils ont d'abord, il y a eu quelques rivalités entre eux. Et ces rivalités qui sont apparues dans l'Empire Grèce l'ont affaibli. Et ils étaient divisés, ils étaient obligés de se partager le royaume en quatre. Et Alexandre le Grand mourut à 32 ans. Il devient roi à 18 ans. Il meurt à 32 ans. Mais il était puissant. Il était fort. Tout le monde le craignait. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Après sa mort, et après que les quatre généraux se soient divisés son royaume, le royaume aussi de Grèce s'est affaibli. C'est ainsi que le royaume d'Alexandre le Grand s'inclina devant les Romains après sa mort. Et ce sont les Romains qui prirent la tête pour dominer maintenant le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est la petite histoire de ces grands conquérants. Mais pourquoi Dieu, dans Daniel au chapitre 7, dans son verset 6, avait choisi de représenter cet empire, ce royaume, par un léopard. Un léopard est un animal solitaire. Sauf en période d'accouplement. C'est un carnivore opportuniste. Kabisa. Non. Qui s'adapte aux situations. Qui se présente devant lui. Pour y tirer profit. Dieu a pas de quoi y faire. Le léopard est un carnivore. Tu es ni nyama ola na kulaka mnofu. qui profite de toute situation qui se présente devant lui. Manake yeye eko na faidia mwali yote ile anapatikana mo. Il s'adapte à toutes ces situations. Atazoea hali yote mule anapatikana. Pour en tirer profit. Juu apate kufaidia. Le léopard est un chasseur du crépuscule. Chui manake yeye ni nyama ile kuna winda usiku. Non. Après que le soleil soit parti. Ah, manake kamangaribi, yeye anawinda kamangaribi. Quand il fait un peu sombre. Wakati kuko kangiza kidogo. Parce qu'il a quand même une bonne vision. Juu kuna kuona kuzuri. Il chasse au crépuscule. Yeye kuna winda wakati kuna kwa kangiza mangaribi. Et il se repose la nuit. Na yeye kuna pumzika usiku. Et il se nourrit aussi la nuit. Na eko na kula usiku. Quand il fait nuit, la plupart des bêtes dorment. Wakati ni usiku, wanyama mingi eko na lala. Et lui profite à manger la proie qu'il a attrapée au crépuscule. Yeye eko na faidia usiku ule akule ile chakula alipata mangaribi. Et après avoir mangé, il se repose aussi. Kisha yeye kula na atalala. Mais le léopard est un animal très dangereux. Alakini chui ni nyama moya wa hatari kabisa. Lui tue même s'il est déjà rassasié. Yeye kuna ua hata kama sina na njala. À l'opposé du lion. Inachana na simba. Quand le lion est rassasié et qu'il dort. Wakati simba yeye anashiba na analala. Même s'il est rassasié et qu'il ne dort pas. Atakama anesha shiba ashilale. Vous pouvez passer à côté de lui. Unaweza pita pembeni yake. Vous ne serez pas en danger. Hawezi kukuua. Mais le léopard est un animal désordonné. Chui yeye ni nyama wa fujo. Lui il peut ravager tout un troupeau. Yeye anaweza kuua kundi ya wanyama. Après qu'il soit rassasié. Kisha hata yeye kushiba. Mais ça emporter ses victimes. Bila kuchukua ila anaua. Il est très dangereux. Eko hatari kabisa. Le léopard. Chui. Est un mélange rusé. Ni mchango ya bujanja. Dans le léopard. Dani ya chui. Il y a un mélange de caractères de plusieurs animaux. Muku mchango ya matabia chana chana ya wanyama bamingi. C'est pourquoi on dit. Le mélange rusé et d'élégance. Naya bukulukulu. Voyez. Mnaona. Il est très rusé. Et comme mujanja kabisa. Le léopard. Chui. Incarne la beauté. Yeye konaonesha burembo. Dans toute sa splendeur. Mukonekana mkuangala kwa kiko. Comme vous voyez ici chez nous. Même dans les pays européens. Mwinchi ya Bulaya. Tous les grands rois. Mettaient leur pieds sur les peaux de léopard. Barikuwa natia miguu yabo chini ya ngozi ya. C'est un animal qui incarne la beauté. Ni nyama ule konaleta. Dans toute sa splendeur. Mkuangala kwa kiko te. Mais avec sa peau tachetée, alakini na ngozi yake ya madoa, qui lui sert d'une robe de camouflage, ile unaisaidiwa sawa ngozi sawa vazi ya kujifutika nayo. Ya kujifutika nayo. C'est-à-dire avec sa peau tachetée, manake na ngozi yake ya madoa, qui est presque semblable aux herbes, ile inafanana na majani. Il se cache facilement dans les herbes. De telle manière que sa victime ou sa proie ne peut pas le remarquer. Il se cache d'une manière à ce que sa victime ne puisse pas le remarquer. Parce qu'il est assisté par sa peau. Ngozi yake qui lui sert de camouflage. Ile kuna msaidia apate kufichama. C'est pourquoi on dit jokomana wanasema la peau ngozi du léopard ya chui lui sert de camouflage dans ses combats ou dans ses attaques contre ses proies. Même lorsque vous regardez dans les films, les documentaires, qui parle du léopard, quand il commence à attaquer, il ne fait pas de bruit. D'abord les griffes, il fait entrer les griffes. Et ici, dans ses paumes, il y a comme du chiffon. De telle manière, même quand il met sa patte quelque part, ça ne peut pas faire de bruit pour attirer l'attention de sa victime, de sa proie. Et il se camoufle dans les herbes, à côté des arbres, tout en rampant lentement, jusqu'à tomber sur sa proie. Que le Seigneur vous bénisse. Il est rusé. Mais regardez dans Daniel au chapitre 10. Le royaume d'Alexandre le Grand, ufalme wa huyu Alexandre le Grand, qui a commencé en l'an 30, il est lianzo miaka 30, s'est terminé en l'an 30 avant Jésus-Christ. Ah, il m'a dit 330, l'an 330. Moi, 330. Le royaume de la Grèce. Je parle mais à qui grec? D'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand a commencé en l'an 330. Il y a un jour, moi, 330. Pour terminer en l'an 30 avant Jésus-Christ. Malaisie, moi, 30, belle et agusalu à quoi Jésus. C'est parmi les empires qui ont aussi longtemps duré, à peu près 300 ans, 3 siècles. Nikatikati ya mamiaka ufalme ile ligawia kadiri ya miaka 300. Dans Daniel au chapitre 10. Daniel sura 10. Dans son verset 20. Mustari ya 12. Il me dit, akaniambia, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? On a dû à Dieu anini na likuja kwako. Maintenant je m'en vais. Retourner. Je m'en vais. Ça c'est une agenda. Retourner pour combattre les chefs de la Perse. Naenda sasa kukombanisha mkubwa wa Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Wakati ntaenda, tazama mkubwa wa Javan atakuja. Nous vous avons dit vendredi, tulimiambia musiku wa kazitano, que le chef de Javan, ya kwamba mfalme wa Javan, c'est la Grèce. Ni Greki. Vous voyez. Munaona. Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans les livres de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Dans Daniel au chapitre 2, Daniel est sur Ambili. L'écriture que nous avons lue, Andiko ele tulisoma, dans son verset 39, Mustari makumi tatu na tisa, la Bible dit, Biblia inasema, après toi, kisha wewe, après le royaume de Babylone, manake nikisha ufalme ya Babeli, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Utalamuka ufalme ingine ya kidoko kushindia yako. C'est le deuxième royaume des Mèdes et Perses. Ni ufalme ya pili wa Mèdes na wa Perses. Puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera toute la terre. Le royaume des reins qui est représenté dans la statue de Nebuchadnezzar, ventre et les cuisses de reins. Tumbo na miguu ya shaba. Dans Daniel au chapitre 7, Daniel sura saba, dans son verset 6, Musari asita, l'écriture que nous avons lue, andiko tunatoka mukusoma, après cela j'ai regardé, Ishaeli nikaangalia, et voici un autre était semblable à un léopard, un autre animal. Tazama nyama mwingine alifanana na chui. Et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Na mumukongo yake mukoma bao ine sawa ndege. Le léopard avec quatre ailes. Uyu chui na mabawa ine caractérise la beauté de la civilisation de l'empire grec. Ikunaonesha buzuri bwa kizungu kya ufalme ya kigreki. Il a des ailes parce que ses ailes aussi mabawa caractérisent la rapidité de conquête manake uharaka ya yeye kupata majimbo dans ce royaume mui ufalme de la Grèce ya kigreki sous Alexandre le Grand chini ya utawalo ya Alexandre le Grand mais dont son armée était soutenue manake, jesi yake ilikuwa yenye kushikamishwa par quatre généraux. Na wajemadari ine. Vous voyez, munaona le léopard chui avec quatre aigles na mabawa ine montre la beauté de la civilisation de l'empire de la Grèce. Ikunaonesha buzuri wala burembo wa kizungu ya ufalme ya kigreki. Les ailes qui signifient la rapidité de conquête d'Alexandre le Grand. Mabawa manaki naonesha uharaka yeye kuchukua majimbo mu vita ya huyo Alexandre le Grand. Avec ces quatre têtes qui sont les quatre généraux na bicho yake ine manake ni wajemadari wake ine de l'empire Grec ya ile ufalme ya kigreki. C'est vrai bia kweli. C'est comme je venais de le dire ici paka vile natoka mukuisema hapa sur la vie d'Alexandre le Grand. Julia maisha ya Alexandre le Grand c'est après ce royaume kisha yu ufalme fut divisé ikagawanika en quatre parties après le départ d'Alexandre le Grand. C'est ce qui signifie les quatre têtes. Il y a un léopard qui révèle la beauté de la civilisation de l'Empire. Sur son dos, il a quatre ailes qui montrent la rapidité de conquête d'Alexandre le Grand. Et les quatre têtes, ce sont les quatre généraux qui ont accompagné l'Empire universel la Grèce. Quand nous prenons Daniel chapitre 8, est-ce que l'église est avec moi? Kanisa nafuata. Daniel au chapitre 8. Daniel sura ya munane. Commençons au verset 5. Tuanzie mstari ya 5. Nous irons jusqu'au verset 25. Tutafika na mstari wa 25. Lisons attentivement. Tusome kwa utaratibu. Comme j'ai regardé attentivement, voici un bouc venait de l'Occident. Tazama buzi dume alitokea kwa magharibi. Dans le chapitre 8 de Daniel, sura 8 ya Danieli, Dans son verset 5, mstari ya tano, le troisième empire Grec, mfalme ya tatu ya wa Greki, n'est plus représenté comme un léopard avec quatre ailes et quatre têtes, mais ici il est représenté par un bouc qui venait de l'Occident et il parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Cette grande corne qui était sur le bouc qui venait de l'Occident et Alexandre le Grand. Il arriva devant, il arriva jusqu'au bélier. Akafika mbele ya mwana kondo. C'est-à-dire, la crèche est allée, la crèche d'Alexandre le Grand est allée combattre jusqu'au Mède Perse. Manake arienda kukombanisha kufika na kuwa Mède na wa Perse. Il arriva jusqu'au bélier. Akafika mbele ya kondo. Qui avait des cornes. Ule alikuwa na mapembe. Et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. C'est Alexandre le Grand. Lui Alexandre le Grand. Qui a couru devant les mains de les Perses pour les attaquer dans sa fureur afin de conquérir leur territoire pour accomplir les desseins, les objectifs qui étaient dans son père Philippe II avant sa mort. Je l'ai vu qui s'approchait du bélier. Kondo et du bélier. Kondo. Kondo Ndoume. Kondo Ndoume. Et s'irrité contre lui. Il frappa le bélier. Kondo Ndoume. Et brisa les deux cornes. Sans que le bélier ait la force de lui résister. Bila kondo les deux cornes, les Mèdes et Perses. Donc Alexandre le Grand a vaincu les Mèdes et les Perses qui avaient déjà fait une fusion de leur royaume. Et ils n'ont pas pu résister contre Alexandre le Grand. L'église est avec Alexandre moi. Le Grand. Il les jeta par terre. Et il les a vaincus, il les a combattus, et il les a vaincus. Vous voyez, il les jeta par terre et les foula. Et il n'y a personne pour délivrer le bélier. Il n'y avait ni roi, ni un autre royaume qui pouvait délivrer les Mèdes et les Perses. Dans le verset 8, les boucs qui typifient la crèche devint très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, la grande corne se brisa. La grande corne qui est Alexandre le Grand. Lorsqu'il devint puissant et qu'il se considérait comme un dieu, un Dieu vivant, et que les autres le considéraient ainsi, il mourut subitement. Voyez bien mes frères, voyez bien mes soeurs. C'est pourquoi ici, l'écriture en termes symboliques, il dit, le bouc devint puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Il n'y a pas une autre bête qui a attaqué la grande corne. Elle s'est brisée elle-même. Dans son alcoolisme, dans son alcoolisme, Alexandre le roi mourit subitement pendant que son royaume prospérait. Et les quatre grandes cornes qui sont les quatre généraux s'élevèrent pour la remplacer. Ikaamuka juu ya kumkombola. Aux quatre vents des cieux. Mu pepo ine ya mbingu. Quand Alexandre le Grand mourut, wakati Alexandre le Grand alikufa, ce sont ces quatre cornes qui typifient les quatre généraux. Ni yui mapembe ine yenye kwa picha ya majemadari ine. Qui remplaçaient leur maître. Jo alimkombola mwalimu wabo. Pour continuer la guerre sur toute la terre. J'ai déjà dit que les vents dans la Bible typifient toujours les guerres. L'Église est avec moi. Quand la Grèce est devenue puissante, voyez, c'est à ce moment-là que le roi Alexandre le Grand mourut. Et après la mort d'Alexandre le Grand, ses quatre généraux le remplaçaient pour maintenant aller continuer la guerre. 9. Et l'une d'elles sortit une petite corne mumoja yayo ikatosha pembe kidogo qui s'agrandissait beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers les plus beaux des pays. Il est rendelea na kukomana kufika ku midi, kufika ku asubuhi, kufika na kuinchi mzuri. Nous lisons ensemble. Tunasoma pamoja. Je lis la Bible. Niko nasoma ni Biblia. Lisons ensemble. Tusome pamoja na muandike. L'une d'elles sortit parmi les quatre généraux ici. Katikati wa jemadari ine. Il y a l'une d'elles. Huku mmoja yayo. Est sortie une petite corne. Ulitoka pembe kidogo. Cette petite corne dont on parle ici. Pembe kidogo wanasemea. C'est Antiochus. Ni Antiochus. Epiphane. Antiochus. Epiphane et la petite corne qui est sortie de l'une de ces quatre cornes qui avait remplacé Alexandre le Grand. Mais cette petite corne qui s'est agrandie beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau pays, les plus beaux des pays, c'est Israël. Sur toute la terre, il n'y a pas aussi le pays le plus beau comme Israël. Israël. Il est le plus beau. Israël njo inchi mzuri zaidi. Parce que c'est le pays que le Tout-Puissant, Dieu lui-même a choisi. Mwenyezi, Mungu mwenyewe alichagua. C'est le pays le plus beau. Parce que c'est un peuple, c'est un pays béni. Qui se trouve sous la bénédiction du Tout-Puissant. Oui, bien aimé frère. Tu peux aller à New York. Tu peux aller à Los Angeles. Tu peux aller en Allemagne. Tu peux aller en France, en Afrique du Sud. Tu peux aller à Dubaï. Mais Jérusalem, avec ses collines, quand vous arrivez à Jérusalem, vous trouvez tous les bâtiments sont construits en pierre blanche. C'est beau. C'est vrai frère. Même moi, avant d'y aller, je ne comprenais pas. Pourquoi Psaume me dit, c'est une ville qui est située sur les mi-collines. Oui. Jérusalem. Est construite sur plusieurs collines. Et ce sont ces collines-là. Et ces quartiers. Qui font la beauté de Jérusalem. Et c'est là. Où tous les touristes du monde entier. Affluent. Il afflue là-bas. Parce que Dieu a fait l'histoire de toute l'humanité avec ce peuple-là. C'est vrai, frère. C'est vrai, sœur. Vers les plus beaux des pays. Lorsque la petite corne, Antiochus, Épiphane, s'est agrandi et devenu puissant et fort. Il a conquis aussi des territoires jusqu'à aller conquérir Israël. Et lorsqu'il est arrivé à Israël, parce que parmi tous les royaumes, parmi tous les pays, il n'y a qu'Israël qui avait une adoration particulière, qui avait une organisation particulière. Cette organisation-là ne venait pas des Juifs, c'était une organisation divine parmi son peuple choisi. Lorsque maintenant, cet homme d'Antiochus est arrivé en Israël, il a pris aussi de l'orgueil. La Bible dit dans le verset 10, elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Ikatupa chini kipande ya ile jesi na ya manyota ele fula na akaikanyanga. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Akanyanyua kufika na mkubwa wa jesi. Lui enleva les sacrifices perpétuels. Akamtosha bukwani bwa milele. Et renversa les lieux de son sanctuaire. Na akabomoa fazi ya ikalu yake. L'armée fut livrée avec les sacrifices perpétuels. Jesse katoweka pamoja na sadaka. À cause du péché, la corne, c'est-à-dire la petite corne, jeta la vérité par terre. Et réussit dans toutes ses entreprises. Ikaweza mumakazi yake yote. J'ai entendu parler un saint. Nikasikiliza mtakatifu moja kusema. Et un autre saint qui disait à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur les sacrifices perpétuels et sur les péchés dévastateurs, jusqu'à quand les sanctuaires et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Vous voyez, maintenant, regardez comment Dieu est en train d'accomplir sa parole. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de lui l'aïe. Nikasikia sauti ya mtu mmoja katikati ya ulai. Il cria et dit, Gabriel, explique lui la vision. Umufasilie ono. Il vint alors près du lieu où j'étais. Akakaribia pa fazi nalikuwa. Et à son approche, wakati hali nikaribia, je suis effrayé. Nikasikia oga. Et j'ai tombé sur ma face. Nikaanguka uso wangu chini. Il me dit, akaniambia, sois attentif, fils de l'homme. Uteke sikio mwana wa mtu. Car la vision concerne le temps de la fin. Kwani hii ono inaelekea wakati ya mwisho. Comme il me parlait, wakati alikuwa ananiambia, j'ai été frappé d'étourdissement, nikapikwa na uvurudiko, la face contre la terre, uso wangu chini. Il me toucha, akanigusa, et il me fit tenir debout à la place où je me trouvais, akanisimamisha pa fazi nalikuwa. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère. Car il y a un temps marqué pour la fin. Le verset 20, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont le roi des Mèdes et des Perses. Verset 21, le bouc c'est le roi de Javan, la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Ile pembe munene katikati ya macho yake ni mfalme wa kwanza. Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée. Na hii mapembe ine ilamuka jua kukombola hii pembe ilikuwa. Ce sont les quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation mais qui n'auront pas autant de force. Ni mfalme ine talamuka kisha hii ufalme lakini haitakuwa na uwezo. Vous voyez. Unaona? La Grèce, qui est grec, qui est le roi de Java. Wenye kwa mfalme wa Java. La grande corne, I pembe munene, qui est Alexandre le Grand. Wenye kwa huyu Alexandre le Grand. Les quatre cornes, ma pembe ine, qui sont les généraux d'Alexandre le Grand. Wenye kwa jemadari wa Alexandre le Grand. La petite corne, I pembe kidogo, sortie d'une d'une grande corne qui désigne Antiochus Epiphane, comme nous l'avons lu ici, même dans Daniel au chapitre 11, dans son verset 21, vous voyez, il est parlé encore. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Vous pouvez continuer avec les c'est Antiochus et Epiphanie. Antiochus et Epiphanie. Vous voyez bien mes frères. Antiochus Epiphanie, Antiochus et Epiphanie était un Syrien. Arkwa Musuria. Sa grandeur sous Alexandre le Grand, avec ses conquêtes rapides na ile makuchugua majimbo kwa mavita kwa haraka sur la Grèce, yule a Grec, les Perses na wa Perses, sur Babylone Babeli, et sur les Juifs. Na yulia wa Yuda. Quand cette petite corne s'est levée, elle a eu la victoire ushindi, sur la Grèce, yulia Grèce, sur les trois autres généraux. Yulia majemadari, l'église est avec moi. Kanisa nanifuata. À la mort d'Alexandre le Grand, Alexandre le Grand, quatre rois, quatre généraux se sont partagés l'empire, mais parmi les quatre royaumes, il y a dans un empire une petite corne qui s'est élevée, et cette corne c'est Antiochus, qui dans ses conquêtes il a vaincu d'abord les quatre généraux d'Alexandre le Grand qui s'étaient déjà séparés, qui s'étaient déjà divisés et qui avaient chacun un royaume. Il vainquit tous les trois. Il vainquit la Perse. Il vainquit Babylone. Il vainquit l'Égypte. Et il vainquit d'autres nations dans une rapidité terrible. Oui, bien-aimés frères et sœurs. La division du royaume de la Grèce. Ukabulana kwa ile ufalme ya Grèce. Après la mort d'Alexandre le Grand, kisha kufa kwa mfalme Alexandre le Grand, a affaibli ce grand royaume. Il kisha yu ufalme munene. A manifesté une grande faiblesse. Onesha buzaifu bunene. Oui bien aimé frère. Dieu ndiku mpendwa. Oui bien aimé sœur. Dieu dada mpendwa. Et quand ce royaume wakati a manifesté une grande faiblesse, buzaifu bunene. C'était à cause de la division interne. Voyez bien mes frères, si le royaume de la Grèce avec Alexandre le Grand est tombé, c'est à cause de la division dans son sein. Comme les quatre généraux se disputaient le pouvoir, qui devait remplacer Alexandre le Grand à la tête pour commander tout le royaume, vous voyez, ils se sont affaiblis eux-mêmes. C'est pourquoi nous vous avons toujours dit que la division dans un foyer, la division dans une église, la division parmi un peuple dans une nation n'est pas une bonne chose, parce que toute division amène la faiblesse et donne la force et le droit aux ennemis de venir dominer une famille faible, une église faible, un royaume faible. Quand l'église est divisée, à ce moment-là, comme le proverbe le dit, on a beaucoup de chefs. Vous voyez mes frères, quand il y a des troubles dans l'église, vous verrez même ceux qui ne sont pas prédicateurs et les hommes et les femmes. Ce qui est grave, vous allez voir même les femmes, ils veulent avoir un petit groupe de femmes derrière elles. Cette femme qui est une femme qui est habile, qui est téméritaire, peut avoir un groupe derrière elle pour soutenir son mari. Vous verrez les gens, chacun veut exposer sa connaissance, veut exposer son savoir-faire, chacun devient prédicateur, chacun veut être conducteur. C'est ce qui amène la division. S'il y a quelque chose que nous devons éviter ici à Cambodge, nous devons éviter la division d'où qu'elle vienne. Quand la division entrera dans cette église, peu importe les raisons, Satan entrera. Et quand la division vient, au lieu de combattre pour Christ, pour le salut, pour notre royaume, les gens commencent à combattre pour leurs propres intérêts. Il y a des injures, il y a des bagarres, il y a de la haine, il y a de l'enquine, il y a de la médisance. Tout ça c'est quoi? C'est l'œuvre des démons, parce que l'église est affaibli. À ce moment-là, même la parole n'a plus d'effet sur les gens, parce que les gens s'adonnent plus au mal et Satan habite leur cœur. C'est vrai frère, c'est vrai ma soeur. Quand il y a des troubles dans l'église, les gens parlent comme ils veulent sans frein, les gens se critiquent sans frein, les gens se prise sans frein. Vous voyez, ils saillissent comme des petits démons. C'est pourquoi Dieu est la division. Quand vous voyez un frère ou une sœur qui a un esprit de division, de la division, allez loin de lui. Voyez bien mes frères, voyez bien mes sœurs, tout le monde dans l'église doit être derrière son berger. Voyez bien mes frères, toutes les brebis doivent être leur berger qui les conduira vers le pâturage qui n'est autre chose que la parole de Dieu. C'est pourquoi pendant la paix, profitez-en pour emmagasiner la nourriture. Quand le temps des troubles viendra, vous sortirez maintenant les armes offensive et défensive pour chasser Satan au milieu de l'église. C'est vrai frère, c'est vrai ma soeur, n'acceptez jamais, alors jamais, jamais de votre vie, jamais de la vie, n'acceptez jamais que la division dans cette église sous toutes ses formes. Mes frères, nous n'aimons pas le tribalisme, nous n'aimons pas la politique, nous n'aimons pas les groupes de mutualité. Vous voulez être membre d'une mutualité, allez dans les groupes de mutualité. Vous voulez être un politicien, allez faire la politique. Vous voyez, vous voulez avoir l'argent, allez chercher l'argent, faire le commerce. Dans l'église, nous ne voulons pas du tribalisme. Dans l'église, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Le sang de Jésus-Christ nous a dépouillés de nos caractères tribaux. Vous êtes dans l'église, le pasteur est doux, et l'autre diacre là vient d'où, et cette là vient de d'où, il est de quelle tribu. Ce sont les esprits démoniaques, nous n'en voulons pas. Vous voyez bien mes frères, vous voulez être tribaliste, allez dans les groupes de mutualité. Ici c'est l'église du Dieu vivant où nous devons être unis par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Nous dépouillons de toutes les œuvres mortes pour chercher seulement la face du Seigneur. Nous devons avoir un même langage au milieu de nous. Il n'y a pas de Louba, de Kassai, de Kaonde, de Kachokwe, de Basanga, de Babemba, de Karunda. Non, les gens de l'Équateur, les Zambiens, les Tanzaniens, vous voyez, les Rwandais, non, nous sommes un seul peuple que Dieu a retiré parmi toutes les tribus de la terre. Par Christ, le corps de Christ est formé par les tribus de toute la terre, les langues de toute la terre. Nous devons avoir un seul langage, c'est un langage biblique. Laissez la politique aux politiciens. Une chair comme elle est ici, la chair comme elle est ici, personne n'a le droit de parler politique. Celui qui veut parler politique, il a dans les partis politiques, il a dans les mutualités. Mais ici à Cambo, c'est seulement la parole de Dieu, un point très. Même lorsque nous faisons nos votes, on ne doit même pas mettre notre tête dans notre tête. Ce frère-là, il est de quelle tribu? Non, bien aimé frère, c'est ce qui a tué toutes ces dénominations. Nous n'en voulons pas. C'est pas même dans notre doctrine. Nous avons écrit ouvertement les Cambo tabernacle ne fait pas la politique. N'est pas engagé dans la politique. Un seul objectif, c'est convertir les âmes à Christ. C'est ce qui nous intéresse. Mais quand vous écoutez un frère avec un tel langage, oh moi et tout, non, n'en voulons pas. Voyez bien mes frères, ça affaiblit notre église. Vous voyez les gens commencent à se visiter seulement selon les tribus, selon les origines. Les gens qui sont venus du coin de Kabongo, ils se visitent entre eux. Les gens qui sont venus du côté de Bukama, entre eux. Les gens de Kananga, entre eux. Les gens de Kinshasa, quand ils se voient, ils parlent Lingala. Non, c'est faux. Ceux qui viennent de d'un Mbujimayi aussi se réunissent entre eux. Ceux qui viennent de Kabinda aussi entre eux. Nous n'en voulons pas. Les Tabwa se retirent entre eux. Les Sanga aussi, les Bemba. des Rundes aussi, de telles églises dans lesquelles Mule. Ces choses ont libre cours sont des églises de Satan. Nous, nous sommes l'église du Seigneur. Nous ne voulons pas ces choses. Voyez bien, mes frères. Nous n'en voulons pas. Kama unachoka sauti ya Mungu, rudia kwenu kumugini, ukuye sultani wa kwenu kumugini. Kwa chefu kutimia chefu wa village. Tunapenda Kristo apate kurenyia. Si voloke, e Kristo la parole. Na Kristo ni neno. Tunakatala mambo ya makabila. Nous refusons le tribalisme. Tuliona muta ya crise ya bakatangeka saye. Nous avons vu des temps de crise de katangeka. Comme les frères, beaucoup de frères ne comprennent pas. Parce qu'ils sont insensés. Ils se trouvent derrière les politiciens. Banakuwa kumukonga bafanya siasa. Et vous ne savez pas quand une guerre ou le trouble commence. Au yo wakati vita. Ce ne sont pas les politiciens qui sont visés. Ce sont les bas peuples ici qui n'ont rien. Qui sont victimes de ces troubles. Si le peuple pouvait comprendre cela, il vivrait en paix les uns avec les autres dans une fraternité comme des bons citoyens. Voyez bien mes frères, se respectant mutuellement. Voyez bien mes frères, sans esprit de domination, sans esprit de vengeance, mais que l'amour est plein au-dessus de tout le monde. Et même là le pays sera divisé, sera en paix et le pays sera fort. Voyez bien mes frères, même ceux qui tuent notre pays ici, c'est le tribalisme. Voyez bien mes frères, il n'y a pas un esprit nationaliste, mais nous avons une nation. Notre nation s'appelle le corps du Seigneur Jésus Christ. Il est mort lui-même pour sa nation, pour que sa nature et sa vie se révèlent en nous. C'est vrai frère, c'est vrai ma soeur. C'est pourquoi il ne faut pas entrer dans la danse des politiciens. Dis-moi ma chambre à Bokimia, fais ton commerce à Bokimia, fais ton commerce en paix. Lisha Bibi Yako, Bibi Yako, lisha bibi yako, lisha watoto yako, saidia watoto ya Mungu na ujitakase uchunge kurudia kwa Yesu Kristo. Mais kama uko na waza seme, si tu penses que il faut ukue ufane politique, que tu fasses la politique pour gagner beaucoup d'argent, uko na landa bongo, là, tu te trompes. Vale banesha kuingia mu politique abana na franga, Satan atakutumikia, kisha unatoka mu politique aona kintu haya itakubamba, utakimbia kanisa. Dans cette église, que politique. Il pas faire la politique. Chacun peut avoir son opinion. Il est opinion yako, il est ukufu nayo moyo yako. Mais avec ton opinion dans ton cœur. Nous n'avons pas besoin de cette opinion là. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est bien compris. Voilà pourquoi le royaume de d'Alexandre le Grand, qui était si fort, si puissant, a été affaibli par des divisions internes. Oui bien mes frères, oui bien mes soeurs, ça a été complètement affaibli. C'est ce que nous lisons dans Daniel 7, dans son verset 6. Mustari ya sita. Division, une très mauvaise chose. Ukabulana ni kitu kibaya sana. Une très mauvaise chose. Ni kitu kibaya zaidi. Je m'excuse. Msame. Daniel chapitre 7. Daniel sura 7. Dans son verset 6. Mustari ya sita. Daniel 8. Daniel munane. Dans son verset 8. Mustari ya munane. Et son verset 22. Na mustari makumi mbili na mbili. Daniel chapitre 11. Daniel sura kumi na moja. Dans son verset. Mustari 4. Ya ine. Vous voyez. Munaona. Maintenant, le royaume divisé. Sasa ufalme na gawanyana. Parmi quatre généraux. Katikati ya wajemadari ine. Il y a eu le royaume d'Égypte. Kukakuwa ufalme wa Misri. Avec Ptolémée. Na huyu Ptolémée. Ptolémée. Ptolémée. Qui occupait le sud. Ula lichugua kusini. Ça c'était le royaume d'Égypte. Ile ilikuwa ni ufalme ya Misri. Deuxième royaume. Ufalme ya pili. Ptolémée, c'est un général qui occupait le royaume d'Égypte au sud. Le deuxième royaume, c'était le royaume syro-babylonien avec Séleucus. Séleucus occupait le nord. Le troisième royaume, c'était le royaume des gréco-macédoniens qui avait à la tête Cassandre, troisième royaume. Et le quatrième royaume, c'est le royaume de Bithymie. Il quoi nous fallait mais Bithymie. En Asie mineure. Et avec le quatrième général, Lysimaque, qui occupait le nord, le nord-ouest. Alichugua. Ce sont ces quatre généraux avec leurs quatre royaumes. Premièrement, le royaume d'Alexandre le Grand, après sa mort, s'est divisé en quatre royaumes avec quatre généraux. Le premier royaume, c'est le royaume d'Égypte avec Ptolémée, qui occupait le sud. Le deuxième royaume des Syro-Babyloniens avec le général Séleucus qui occupait le nord. Et il y avait le royaume gréco-macédonien avec le général Cassandre. Et quatrième royaume des Bithymie avec Lysimaque qui occupait le nord-ouest. La petite corne, Antiochus Épiphane, est l'un des descendants de Séleucus de Syrie. Vous voyez, il est l'un des descendants du roi Séleucus, qui était un Syrien. Vous voyez, regardez dans Daniel au chapitre 8. À la fin de leur domination, lorsque les péchés seront consumés, il se lèvera un roi impudent et artificieux. Mujanja. Voilà pourquoi on l'a typifié par ce royaume a été typifié par un léopard. Je commande la picture yayo ilikuwa ni chui. Imaginez un roi mfikiri kwanza mfalme sans pudeur, bila heshima, insolent, wa kiburi, qui n'avait honte de rien. Asikuwa na shika haya ya kitu atakiwa. Unaona? Mais plein de ruses, qui avait le talent de tromper. Vous voyez, il avait le talent de tromper. Quand vous prenez dans Daniel 8, dans son verset 8 à 12, vous voyez, Daniel 8 à 12, vous voyez, cette petite corne qui est Antiochus Epiphane, et le type de l'Antichrist sous l'influence de Satan. C'est vrai. C'est cette petite corne Antiochus Epiphane qui persécuta les Juifs, il profana le temple en l'an 168. C'est vrai. Dans Daniel au chapitre 11, dans son verset 30 à 31, regardez. Des troupes se présenteront sur l'ordre. Makundi itakusanyika kufuatana na agizo. Elles profaneront les sanctuaires, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Vous voyez, c'est ce qu'a fait ce monsieur. Quand vous commencez vers le verset 30, où il dit des navires de Kittim, Kittim c'est Rome, s'avanceront contre lui, découragés, il reboursera le chemin, puis furieux contre l'alliance sainte, il ne restera pas inactif à son tour. Il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Oui, chaque fois aussi que les Juifs abandonnaient l'alliance avec Dieu, Dieu les châtiait comme vous le savez. Vous voyez, il y a des fois où les gens confondent cette petite corne à Antiochus et Epiphane avec la petite corne qui va se révéler après l'enlèvement de l'église de l'épouse, donc après l'alliance que Rome fera avec Israël et d'autres nations, mais qui sera brisée au milieu. Ici dans l'Ancien Testament, dans le royaume de la Grèce, c'était seulement un type, mais quand Antiochus est venu, un homme sans pudeur, très rusé, un méchant, vous voyez, c'est lui qui avait profané le temple de Jérusalem, il avait profané la ville de Jérusalem, il avait fait cesser même les sacrifices. Oui bien aimé frère, oui bien aimé soeur, c'est pourquoi vers 1168, Antiochus, la petite corne, persécuta les Juifs et profana le temple. Vous voyez, mais sa chute est venu devant Rome. Voyez, quand le temps aussi est arrivé de sa chute, parce qu'il avait profané le temple, il avait profané le peuple de Dieu, il jetait la vérité par terre, il insultait les dieux d'Israël, il insultait le peuple d'Israël, il a méprisé le temple de Dieu. Dieu a suscité aussi Rome pour venir faire cesser l'orgueil d'Antiochus. C'est vrai frère, c'est vrai ma soeur, mais vous devez noter ceci: les conflits entre le nord de la Syrie, donc l'Égypte avec Ptolémée, le roi. Les conflits entre la Syrie au nord et l'Égypte au sud, le roi de Midi, c'est l'Égypte avec Ptolémée. Le roi du nord, c'est le roi du royaume syro-babylonien avec Séleucus, c'est de là où est venu Antiochus, le plus méchant. Vous voyez bien mes frères, c'est ainsi que Dieu aussi brisa l'empire grec. Lorsque maintenant Antiochus est venu avec de l'arrogance, avec des mépris, il ne pouvait pas respecter le Israël, le pays de Dieu, le peuple de Dieu. Dieu aussi devait régler ses comptes. Oui bien aimé frère, oui bien aimé soeur, c'est ce que Dieu fait. Lorsque vous commencez à vous sentir très puissant, Lorsque la méchanceté inonde votre cœur, lorsque vous ne tenez plus compte de quelqu'un, vous manquez du respect à tout le monde, vous devenez arrogant et rusé, à ce moment-là, votre chute aussi est proche. Certainement vous tomberez. Dieu ne supporte pas l'orgueil. Dieu ne supporte pas l'arrogance. Dieu ne supporte pas le mépris des autres. Même si Dieu te fait régner sur un peuple, respectez toujours ces gens-là, parce que ce n'est pas ton peuple, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas toi qui les as créés, ce sont des créatures divines comme toi que Dieu a mis sous son pouvoir. Vous devez les traiter avec humanisme. Oui bien aimé frère, nous devons savoir respecter les gens, même s'il n'est pas de notre foi. Même s'il ne croit pas comme moi, je dois le respecter. Je serai contre sa doctrine. Je peux parler à mal contre sa doctrine. Mais je ne peux pas parler à mal contre l'homme. La doctrine et l'homme sont deux choses différentes. Je serai opposé à tout enseignement qui est contraire à la Bible. Mais je n'aurai jamais de la haine contre quelqu'un. Voyez bien mes frères, voyez bien mes soeurs, je m'opposerai à toute doctrine qui est contre la parole de Dieu, mais jamais j'aurai de la haine contre celui que Satan utilise, parce que cet homme-là reste néanmoins un homme qui peut changer aujourd'hui et demain. Voyez bien mes frères, voyez bien mes soeurs. Mais si quelqu'un commence maintenant à vous enseigner d'autres doctrines, il vient chez toi. Il vient chez toi pour t'enseigner des doctrines qui va vous détacher de Christ. Là, ne les recevez pas dans votre maison. Il faut mettre la différence. Si quelqu'un vient chez toi ou il t'invite pour te parler de ses fausses doctrine qui va vous détacher de la parole, là ne lui dites même pas salut, mais il prêche des histoires. Voyez, il prêche des histoires ailleurs, il ne vous dérange pas. C'est un humain, vous devez le respecter en tant qu'humain. L'église est avec moi. C'est pourquoi quand Antiochus est devenu très arrogant, il a même jeté la vérité de la parole par terre. Il a profané le temple de Jérusalem. Il a profané la ville de Jérusalem. Dieu aussi s'est occupé de lui. Et la chute est venue. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. C'est pourquoi, comme peuple de Dieu, nous devons toujours garder la vision de Christ. La croix de Christ doit être devant nous. Nous devons marcher avec un objectif d'être comme Christ. Voyez bien mes frères, nous devons éviter la division. Nous en tant qu'église, ne soyez pas derrière les prédicateurs, ne soyez pas derrière les gens, soyez derrière la parole de Dieu. Voyez bien mes frères, tous les hommes de Dieu que le Seigneur a suscité au milieu de vous, ce sont vos serviteurs. Dieu leur a donné des dons et des ministères différents pour votre édification. Il n'y a pas un plus grand, un plus petit. Tous ceux qui servent dans le royaume sont des serviteurs inutiles. C'est pourquoi n'acclamez pas les prédicateurs. Maintenant, quand un prédicateur aussi, les gens l'acclament, il se sent bien, c'est un idolâtre. Ouais, il a l'esprit d'Alexandre le Grand, qui se considère comme un Dieu vivant. C'est comme je l'ai souligné dans les jours passés, vendredi, quelqu'un commence à se sentir que si moi je ne suis pas à Kambo, l'église va tomber. Nous avons dit un mensonge. L'église de Kambove est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. Elle ne tombera pas. Vous voyez, si toi tu quittes l'église, tu abandonnes la parole. Ne pensez pas qu'il y aura Dieu au ciel. Il n'y aura pas Dieu au ciel. Si vous quittez la parole, vous abandonnez la vérité. Qu'est-ce que Christ me manquera? Oui, bien mes frères. Ne manquera rien. C'est vrai frère. Christ ne manquera rien même si tu vas en enfer. C'est pourquoi nous en tant qu'homme, nous devons cesser l'orgueil et l'arrogance. Moi, cette église, moi, c'est moi là, ça vient de Lucifer. Servez dans l'humilité et Dieu vous élèvera au temps venu, et notre élévation véritable viendra du Seigneur lorsqu'il viendra nous enlever. Tu peux faire des bruits maintenant, mais au retour du Seigneur Jésus, vous ratez l'enlèvement, tu seras conçu. Voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs, servons dans l'humilité et ne soyons pas désorgueillés. Chantez dans l'humilité, ne soyez pas orgueilleux. Conduisez l'église dans l'humilité, ne soyez pas orgueilleux. Jouez aux instruments dans l'humilité, ne soyez pas orgueilleux. Faites des dons à l'église, aux frères et aux soeurs, dans l'humilité. Ne soyez pas orgueilleux. Voyez bien mes frères. Tout ce que tu peux faire, fais-le dans l'humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Voyez bien mes frères. Tout en évitant des divisions. C'est l'orgueil qui amène les guerres. L'orgueil et l'arrogance amènent la division. Et Dieu n'en veut pas. Tout homme qui amène la division, pour nous enseigner dans Romains chapitre 16, il dit c'est un homme charnel. Un homme charnel qui travaille que pour son ventre. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous pour la prière. Et si nous avons terminé avec le troisième empire, le royaume de Crète, avec Alexandre le Grand. Et la semaine prochaine, nous allons commencer avec Rome. Maintenant, si tu avais des voyages, arrêtez les voyages. Parce que c'est la partie la plus importante qui va nous conduire jusqu'à la 70e semaine de Daniel. L'ange lui-même dit, en voyant la bête terrible, il n'était même pas intéressé aux trois bêtes. Daniel dit, je voulais connaître la vérité sur ces quatrièmes bête. Et nous allons commencer avec cette quatrième bête qui a commencé son règne depuis l'an 30 avant Jésus-Christ, et donc son règne ira jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur vous bénisse. Prions-nous tous ensemble. Nous te bénissons Seigneur.